Hey, en roulant, j'ai fret. Oui, ben oui, il fait fret, là, c'est normal. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion. Pas de problème, ici Frédéric Barbouchy en compagnie d'Antoine Vézina. Salut Fred! Salut Antoine. Jean-Philippe Durand. Fred, Antoine, salutations. Ah, il pleut, là. Yo, yo, yo. Et Mathieu Bouillon. Miaou. Le chat. Miaou. Dégueu, dégueu. Oui, c'est dégueu. Oh, oui. Oh, pas de problème, c'est quoi, Antoine? Vous avez un problème, vous nous le soumettez. Oui. Par votre Facebook, par exemple, ou par Internet, peu importe. Des signaux de fumée. Et quatre jeunes hommes, de moins en moins, plein d'esprit et de vivacité, propose une série de solutions hors normes et tout à fait folles, mais parfois vraiment intéressantes pour les régler. Puis wow! Vous allez voter. T'as bien récité ça. Oui. Jean-Philippe. Oui, on a un problème cette semaine qui nous vient d'Olivier Dumont-Pichette. Bonjour, pas de problème. Salut Olivier. Mon problème, mes voisins d'en haut, ou plutôt leur lit, font du bruit quand ils s'adonnent à leurs devoirs conjugaux. Comment leur faire comprendre ou faire cesser le bruit tout en gardant un bon voisinage? PS, merci Fred pour les t-shirts, on les arbore fièrement. C'est quoi cette histoire-là de t-shirts? Ben, on a eu les t-shirts de pas de problème. Yeah! Rappel. Bon, les voisins d'en haut! Four bain bruyant. Four ça, madame, avec les madames. Ah, voilà, ça c'était bon. Parfait. Alors, attendre. Oui. Que ça finisse. Le pic des hommes autour de 20 ans, le pic des femmes 30 ans, de libido, je sais pas quel âge ils ont, ouais. Mais en théorie, dans le temps, ça devrait tranquillement s'espacer. Et il y a 81% des hommes en couple qui se disent insatisfaits ou aimeraient améliorer leurs habitudes de vie sexuelle. Ouais. Ah oh, ouais. Ah, ils sont insatisfaits. Insatisfaits. Bon. Voilà. Attends. That's it. Merci, bonsoir. Bon, ben, c'est ça, moi, ça me fait beaucoup penser au problème de Stéphanie bruit. Perrin. Oui, il y avait bruit. Comme un effet live. Ouais, ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas. C'est pas. Tu sais, là, c'était de la musique, et là, c'est vraiment un lit qui fait. Oui, oui, oui. Ou c'est la patte du lit, c'est mais ça? C'est peut-être que le son contraire qui annule le son existe. Oui, aussi. Évidemment. Tout ça fonctionne, là. Sauf qu'aller en cachette avec des petites mousses de patte, là. Il faut baisser la libido. Des petites du mousses couple. De patte. Oh, c'est bon, ça. Oui, c'est bon. Alors, introduire un problème de couple. Un bébé? Mettre la chicane entre les deux. Oui. Le manque d'intimité peut baisser la libido. La fatigue. La distraction, ouais. Le stress, l'exposition prolongée au bruit ou à la lumière intense baisserait la libido. Il y a plein de trucs que tu peux faire. Là. L'homosexualité latente. Pour être dans un couple hétéro. Fait que tu installes ça, mettons. La contraception chez la femme aiderait la libido. Oh. Parce que consciemment ou inconsciemment, moins peur de tomber enceinte, si tu veux pas tomber enceinte. Tu sais, si tu prends pas de moyen de contraception, tu sais, ça peut être un frein. Là. Donc, ça en prend de la convaincre d'arrêter ou de faire perdre sa commande. Ben, tu y mets une pilule de lesbianisme latent dans son contraceptif. Ça existe? Ça peut exister. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Niveau bas de testostérone, certains médicaments comme la flutamide peuvent baisser la libido. Évidemment, la beauté du partenaire. Ah, si tu crisses un bon coup de pelle au gars ou à la fille, c'est non. Peine. Pour moi, t'as trois semaines où moins ils vont, tu sais, un peu moins. Tu trouves comment faire ça? Malnutrition baisse la libido. Oh! L'anémie chez les femmes, le manque de fer. Le vent s'est levé, hein? Ouais. Oui, on continue. Fumer baisserait la libido. L'abus d'alcool, de drogue. Oh! Voilà. Également, éviter des moments où il pleut pour vrai. Il y a certaines choses qui seraient aphrodisiaques. Oh, oui. Il faudrait donc, tu sais, le lait, faire d'exercice, par exemple. Oui. Dans le cycle menstruel, un peu avant l'ovulation de la femme, la libido serait dans le piton. Oui. Finalement, quand il mange du surveilles ce qu'ils mangent, puis là, tu savoir s'ils vont faire du bruit ce soir ou les empêcher de manger ça. Okay. Leur donner des recettes où il n'y a pas ça. Okay. La roquette, semble-t-il. La roquette, ah, là, ouais. Hein. Avocat. Dulce de leche. Ben voyons, le caramel. Leche, ah ouais. Le ginkgo biloba. Le ginkgo biloba. Ça. Le ginseng. Oh, what babou! Ginkgo biloba. Le ginseng. Les huîtres. Oh. Le safran. Le melon d'eau. Fait qu'il faut les empêcher de manger tout ça. Tu les empêches de faire ça. Parfait. Tu mets une lumière intense. Tu fais, hey, toi, arrête, les contraceptions, c'est pas bon pour toi. T'as grossi. Ouais. Un coup de pelle d'en face de l'autre. Fini avec le coup de pelle. Du bruit. Oui. Arrête de te mettre en forme, mon gars, ça vaut pas la peine. Oh, hey, ouais. Je pense qu'elle t'a trompé. Mets la chicane. Ouais, mais des fois, la chicane. Anémie, tu enlèves son fer. Ça double tranchant, hein. Ouais, ils peuvent fouiller. Oui, ça devient bien fini, comme sexe. Hein. Non, mais pas une chicane, mais tu sais, tranquillement, le parent. Ouais, ouais. Miner la patente. Ouais. Ou tu sais, juste là, faire baisser le désir. Tu croises le gars et tu dis, hey, j'ai vu ta blonde, il a pris du poids, hein, tu sais, ou genre. Elle est vraiment laid. Elle est moins sexe qu'elle était. Je veux pas croire que tu baises encore ça. C'est le lit, le problème. Ah oui, réparer le bruit du lit, ouais. Ah non, attends, Fred, le souvenir de les entendre fourrer persiste. Ah, ouais, fait que dès que t'entends un bruit, tu dis, ça va recommencer. Alors, la peur est encore là. Exact. La peur est là. Non, mais peut-être, tu sais, en profiter pour, tu sais, s'ils sont réguliers, t'as pas besoin de métronome pour pratiquer ta musique. Joindre le mouvement, ouais. Ouais, pourquoi pas. Insonoriser le plafond aussi. Ouais. Mais tu sais, juste aller les voir plus tard, tu sais. Ouais, ouais, c'est ça. Y aller, là, tu sais, de base, tu sais, genre, vos ébats font du bruit. Est-ce que je pourrais vous aider à réparer votre lit, tu sais, puis en faire un projet à trois qui peut virer Délicatessen. Avec des avenues coquines. Ouais, dans Délicatessen, tout le monde embarque. Tape le tapis. Tout c'est un projet à long terme, c'est un projet d'un an, mettons, on le répare de temps en temps. On le répare de temps en temps. On se raconte nos histoires. Oui, une série web. On réinvente le monde. L'important, c'est que les dialogues soient pas si bons que ça. Ouais. Ouais, c'est film ça. Filme ta réaction quand tu l'entends. Mets-les sur YouTube. Dis, hey, vous êtes sur YouTube! Ah, à cause de votre maudit bruit de pervers, ouais. You. Mais peut-être s'assurer qu'ils assouvissent ça ailleurs. Ben oui. C'est trop de la publicité pour des bed and breakfast, des fins de semaine massages, des patins. Oui. Tu mets ça dans leur boîte au mal. Des vraies publicités. Le Holiday Inn le plus sexe de Montréal. Ouais, mais ils partent en amour pendant une fin de semaine, non-stop. Ça se peut que la semaine, ils prennent un break. Oui, mais l'idée, c'est qu'ils fassent pas l'amour chez eux. Ben, ils vont le faire. Ils vont revenir, là. T'sais, ils vont pas tout le temps aller dans un bed and breakfast. Moi, je te le dis, si je fais toute la fin de semaine, là, je mets pour deux semaines là, à me remettre. Juste le dire, là, mettons tes croises. Hey, l'autre fois, là, j'ai eu du sexe dans ma douche. Ça n'a pas fait de bruit. C'était vraiment bon. J'adore ça. Elle était cochonne. Sexe dans la douche. Tu as suggéré des films où il y a juste du sexe à l'extérieur, un peu hard. Hein, des vieilles affaires, des vieux thrillers là, psychosexuels. Oui, il y en a des bons. Fais qu'un appel du CLSC, pourquoi pas, en disant oh, on a eu les résultats de telle affaire. Ah mon Dieu. Juste pour semer le doute. Le respect, prendre en note à chaque fois que tu les entends, puis essayer de trouver, voir. Habituellement, c'est les vendredis soirs. Il va peut-être avoir un pattern. Eh bien, tu sors. Tu t'en vas. Ouais. Tu les laisses faire leur petit business. Tu t'en vas. Tu leur laisses un bon 4 minutes. Tu calcules aussi. Ouais. Quand tu écoutes là, pour faire tes recherches, voir le pattern, tu calcules combien de temps. Hein? Parce que des fois, je sais pas combien de temps. Je sais pas combien de temps ça dure. 1000 minutes. 1000 minutes. Sting, lui, il disait qu'il faisait l'amour pendant 6 heures. C'était pas 3 jours. Je sais pas trop. Ouais, mais c'est pas l'amour, c'est le tantrisme. Ouais. C'est ça, le on and on, my sperm will fall like this from a star. Ouais, Sting, sa femme peut faire l'amour à distance même, c'est entre c'est deux pays. Par Skype. Super. Ouais. Où il caresse les énergies. Ouais. Ah, voilà, je masturbe l'air. Il met son pénis dans la prise USB. Bon, là, mon chakra est débandé, mais ça sera pas long, là, ça va revenir. Ah, on est méprisant. Ben oui, c'est vraiment méchant, ce gars-là. Bono, ben Sting va être en Sting, qui nous écoute. Va être en Sting. Ah, lui, là, choqué noir. Sting, fâché noir. Vablé de police. Une autre célébrité qui avait du sexe très silencieux, je pense que c'est Helen Keller, c'était ça son nom? Tu sais, la sourde aveugle et muette, là. Ah, ça me dit rien. Elle, c'est mais le pire, c'est que... Très... Étais-tu muette? Sourde, aveugle, muette. Ouais, OK. Sourde, aveugle, muette, ouais. Ouais. Un bon trio. Trio de choc. Ouais. Ben, ça a fait un film écœurant, hein, par exemple, qui s'appelait, je crois, Sourde, aveugle, muette. Ah oui? Un bon titre. Mmh. C'est clair. Tu comprends. C'est sûr que, tu sais, tu disais de les empêcher de faire l'amour. Avoir les parents, les beaux-parents dans la maison, c'est toujours... Ah oui, t'invites, t'appelles ses parents, un enfant, on le fait. Tu fais... Ah ouais. Salut, c'est moi, ton fils. Oui, oui, c'est ça, lui. Viens me voir. T'entends-tu venir, à soir? Viens manger quelque chose. Viens manger quelque chose. Je t'invite. C'est pas que moi, je mange autre chose. Vous êtes où? L'adresse, tu sais quoi? C'est ton fils. C'est qui ton fils? Tu connais... Allez, arrêtez, je vais appeler la police. J'avais tout... Oh, okay, pardon. Ça m'a fait roter. Ou un petit fuck battle. Ah oui, ouais. Tu leur en mets plein la gueule. Nous, on va en faire plus. Ah, parce qu'on est quatre. Exact. Tu mets sur repeat, let's talk about sex. Mais tu t'enregistres faire l'amour. Puis là, tu crinques le son. Puis pas la chanson que tu mets sur repeat, ces paroles-là. Let's talk about sex, let's talk about c'est sex, tout, let's là. Talk about sans sex. Sans c'est dégueulasse. Même sans pas de baby. Même pas de baby. Non, non. T'en penses un de temps en temps. Baby, let's talk about sex, let's talk about sex. Tu peux même couper sexe un peu, comme ça, let's au départ devient la fin de sexe. Sauve encore plus de temps. Ah, c'est drôle. Let's talk about sex, talk about sex, talk about sex, talk about sex. Ah, c'est drôle. On fait ça, c'est ma seule chanson préférée. Et de loin. Et de loin. Et de loin? Voyons donc, messieurs! On aurait pu aussi, tu sais, tous les aliments hermaphrodites, là. Que oh, aphrodisiaque! Hermaphrodite, c'est autre chose. Tous les aliments hermaphrodites que t'as dit, c'est peut-être dans couper l'approvisionnement dans les épiceries autour. Oui, exact, oui, exact. Pas d'avocat. Tu fais fermer la roquette. Roquette, vous faites fermer. Ouais. Tu fais fermer la roquette? Oui, parce que dit que la roquette, ça aphrodisiaque. Oui. Pas le bar. Oh! Parce que moi, ce bord-là, j'en mange. La ragoût, là! Et pourtant, y a-t-il un bord plus turn-off que la roquette, ça, ça va? Oh, bon, là, hey, c'est nos commanditaires. Des totounes rockabilly qui se font payer des shooters. Là. Mathieu, franchement. Ça va de classe. Aïe, on sait que ton bar préféré, toi, c'est la banquise. Mais quand même. La barquise. Tu veux pas dire ça, des totounes rockabilly? Ah, non, tu dis ce que tu veux, Mathieu, mais j'ai le droit de pas être d'accord. L'image. Ça n'engage que toi. Là. Ouais, des rockaboulottes. Des rockaboulottes! Ah! Il s'en va. Fred, va t'en prendre. Non, reviens! La fille, elle a un t-shirt, c'est écrit Ramon dessus. Fred, c'est toi qui mets ça en ligne. Tu penses que c'est pour les Ramones, mais c'est son nom, c'est Raymond. Elle aime les ramen, c'est ça. Il va appeler de police. Ouais. Reviens! Ah, il fait fret, là, rare. Hey. Je voulais pas en parler tantôt. Moi, je dis que pour le reste des solutions, les gens peuvent se référer au podcast live sur le bruit. Mais là, on va pas commencer à faire ça, là. Non, mais il y en a de la solution, messieurs, là. Abandonnez pas, là. Non! Ça fait 14 bonnes minutes de solution qu'on a, là, sincèrement. C'est là. Un bon condensé. Hein? Puis moi, si ça continue, là, je vais être obligé de vous montrer mes hémorroïdes. Mais je crois que sur la page Facebook, il y avait des réponses. Je pense qu'il y avait essayé de visser à travers le plancher la patte du lit. Ça, c'est génial! Parce que tu sens les points de pression en frappant, hein, des pattes, j'imagine. Fait que t'es capable de faire une grande vis. Attention! Avion. Fait que c'est Sting. C'est Sting. Capelle de police. Avec son régiment de rocaboulotte. Oh, il va fermer la gueule. Monsieur. Oh. Mais c'est bon, ça, des grandes vis, essayer de visser l'affaire. Pourquoi pas, tu sais. Tu veux dire le pénis du gars? Tu peux visser le pénis? Exactement, c'est ce que je veux dire. Ça, il fera plus l'amour. Avec sa charrue. Alors, on salue Olivier et qui écoute ça. Je sais qu'Olivier écoute ça avec sa blonde et souvent... son enfant? Oui. Oh! Oh. C'est une solution pour les enfants aussi. Si jamais des petits-enfants se touchent à la garderie, ils font beaucoup de bruit pendant la sieste. Vise comment les éloigner. Pénis. OK. Non, mais tu cherchais-tu les autres solutions qui étaient sur Facebook? Oui, je suis en train de chercher ça. Ça sera pas long. Vous pouvez parler pendant ce temps-là. Oui, bonne idée. Alors, ben, c'est ça, moi, l'autre fois. Sex talk about. Sex talk about. Ah, oui. Et... Non, mais je cherche, là. Mais tu sais, peut-être y aller... tu sais, pendant qu'il passe, là, tu rentres des coussins chez vous. Qu'est-ce que tu fais? On dirait que c'est une très bien joke. Hein? Ouais. Puis là, c'est... Ah! C'est nouveau. Au lieu d'avoir des lits, on couche sur des coussins. Ah, ouais? C'est beaucoup plus érotisant. Oui. Hey, ooh, veux-tu? J'en ai un autre batch. Ça fait que je remplace mon lido. Donc, t'as fait une sorte de harem de son appartement. C'est pas fou. C'est une bonne idée. T'sais. Bon, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire changer de lit. Ouais. Mais... Mais c'est plus... C'est la... Ah, tu fais installer un hamac pour qu'il se sente toujours en vacances. Ça, là, faire l'amour dans un hamac, c'est impossible. Ça va bien! Je pense que c'est impossible. Tu sais, d'un côté, t'as l'air d'un saucisson. Oui. Parce qu'à travers... avec ta peau qui passe à travers les petits trous. Oui. Arrête, non! Sleeping aussi, des grandes expériences. Si, la même idée que la vis, là, mais si son cadre de lit est en métal, oui, la base de lit, là, des... L'aimant. Tu peux même le déplacer pendant qu'ils font l'amour dans le salon, c'est tes affaires. Tu le ramènes à leur insu. Ah, c'est drôle. Et voilà. Ouais. Ils vont être emportés par la passion. L'aimant industriel. Évidemment, il faut bien fixer les choses en métal que tu as chez toi pour pas... Eux autres vont avoir l'impression d'être le couple dans Saint-Martyr des Damnés, tu sais, qui volait sur les paysages pendant qu'ils faisaient l'amour. Avez-vous vu ça, ce film-là? Tes références, Mathieu? Non, on l'a pas vu. Ils volent en faisant l'amour! Mais ça, tu parles de belles rumeurs aux gars. Hey, vous saviez que les propriétaires avant ici sont morts en faisant l'amour? Oh! Ouais, ben, faisait bien du bruit, ça. J'écoute, je sais pas trop. Puis... Ouais, vraiment. Ils sont morts. C'est vraiment, il y a un esprit. Quand tu fais l'amour, tu fais du bruit. Il y a une affaire de même. On là, l'appelle le fantôme au doigt, cochon. Puis tu finis tout ça en disant. Ils sont morts au bout de leur sexe. Peut-être que vous l'avez senti. Vous l'avez peut-être pas rencontré. Peut-être que vous l'avez senti. En tout cas, je vous dis ça de même. Salut! Hey, I will fuck you. Les gens nous ont répondu. Ah! S'il vous plaît, il y a un peu de contenu ici. Oui. Ouais. Les gens ont répondu à Olivier Dumont-Pichette sur la page Facebook. Donc, Olivier nous dit lui-même, j'avais déjà pensé leur laisser des feutres dans leur boîte à mal ou utiliser de très grandes vis à travers le plafond, comme on disait. Ouais. Imola Mattei dit ici, imite le bruit qu'ils font alors qu'ils sont en silence. Pourquoi pas? Quand ils ont arrêté de faire l'amour, tu continues de... Ça, je trouve ça drôle. Oui, vraiment. C'est drôle. C'est pas gênant. S'ils font l'amour 15 minutes par semaine, toi, tu le restes de la semaine. Non, mais imagine, tu finis, t'arrêtes de faire l'amour, là, puis tu fais... Oh, mon Dieu. Ils ont tout entendu. Ouais, on est tellement bon qu'on leur a donné le goût. Ouais, c'est ça. Non, mais probablement qu'il ignore, là. S'il savait, il ferait attention, peut-être, non? Peut-être, sûrement. Pour moi, on est contagieux. Et il y a aussi Pierre-Luc Racine qui nous dit, ou l'inverse, quand tu les croises, tu leur dis, « Hey, je vous entends quand vous êtes intime, mais sachez que ça me dérange vraiment pas. Continuez, ça m'excite vraiment. » C'est ça. Pourquoi pas? C'est fou, tu sais, pointe avec des petits fils. Tu fais des petits doigts de main. Ouais. Et tu dis... À ce soir. À ce soir. À ce soir. À ce soir dans mes rêves. Genre, dire qu'il y a juste une paroi qui nous sépare. Ouais. Une paroi dans laquelle je pourrais facilement faire un trou de la grosseur de mon pénis. Tu sais, j'ai l'impression, là, c'est comme que t'en peux plus, là. Parce que j'ai froid, donc je mets de la chaleur dans mes propos. T'as froid, mais t'es tellement tanné que tu veux nous rendre tanné. Ben non! je veux être drôle. Ouais! C'est intéressant. Parlant de ce sujet-là, est un peu érotique. Messieurs, il fait tellement froid qu'on devrait peut-être juste se toucher. Oui. Non? J'embarque! C'est moi dans le milieu. C'est moi dans le milieu. Avez-vous des solutions préférées là-dedans, vous, messieurs? Pensez-vous qu'il y en a une qui règle le problème d'Olivier? Ouais. Ben moi, tout ce qui est allusion avec le voisin, là, quand tu le croises, genre, hey, ouais, vous avez eu du fun hier soir, tu sais, je pense que vraiment ça va lui mettre mal à l'aise. Puis c'est ce qui est le plus intelligent à faire. Le bon vieux t-shirt, je t'ai entendu fourrer. Oui. Ouais. C'est à chaque fois que tu le croises. Salut, salut! Hey, attends! Je vais aller changer de t-shirt. Oh, ouais. Hey! Vas-y, tu sais, quand on finit de faire l'amour, tu cognes et tu vas leur porter deux bonnes cigarettes. Une bouteille de champagne pour leur dire bravo. Ou, tu sais, comme dans Lost Highway, là, tu leur envoies des cassettes anonymes de eux qui font l'amour. Oui. C'est pas pire, ça, je trouve. Vraiment. Puis ils t'engagent quelqu'un pour te jouer pour le restant du film. Oui, exact. Oui. Inviter du monde pour les écouter? Yes! Ouais. Un podcast. Oh, enregistrez-les, on veut les entendre! Oui, belle idée! Oui. Si on arrive à un extrait sonore de ça. On va le passer. Les poursuites s'accumulent contre pas de problème. Mmh. Oui, mais on les ignore! Non, mais quand tu le croises, moi j'aime bien ça, là, c'est ça, c'est psychologique, tu le croises, c'est ouais. Ouais. Ouais. Moi j'ai tué mes parents parce que je les entendais faire l'amour. Ah, c'est bon. À un moment donné, c'est ça. Mais j'ai pété ma coche. Un crime passionnel. Ouais. Aussitôt que j'entends quelque chose qui ressemble à ça, je deviens... En tout cas... Hey, mais j'ai fait mon temps, puis je suis sorti. Maintenant, ça va mieux. Ça va mieux. Mais la petite voix dans ma tête recommence à me dire que c'est péché ce que vous faites. Ah, vraiment. Bon. Ouais. La semaine prochaine, il va faire plus chaud, je pense, ça, hein, encore. Ouais. Oui. Peut-être leur payer une rocaboulotte. Voilà. Ah. Sur ces mots. Sur le mot rocaboulotte. On vous souhaite une excellente semaine. Ouais, ben je pense que c'est assez. Ah oui, c'est assez. Oh, oui, c'est on vous rappelle aussi, laissez-nous vos problèmes, hein, Fred. Oui, Facebook. C'est bien important, on en veut plein. Des différents aussi, surprenez-nous, là. Ouais. Des affaires de n'importe quoi, là, vraiment, là, pas de limite, pas de gêne. Au pire, on dit pas votre nom, tout simplement. Ouais. Dites ce que vous on peut voulez. On peut trouver un surnom drôle. Sinon, vous pouvez nous écrire par Gmail, podproblème@gmail.com, si vous voulez garder l'anonymat. Oui. Merci au studio Air Libre, les studios de Fred Barbouchy, oui. Pour ce moment hémorroïdal que nous aurons vécu. Et oui, merci à l'air climatisé naturel. Au revoir! Et ça, le mot de la fin, Antoine? Oui, vous avez un problème, on s'en torche. Oh, ça bang! On a un podcast.